Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est l'heure du disco sur Fadjet et on va commencer sur les chapeaux de roue. Une découverte proche de nous puisque sortie en 2018, le titre We've Got a Funky Feeling, interprété par Stéphane Deschezo. En se nourrissant de ses diverses expériences musicales et également en échangeant lors de ses différentes rencontres avec d'autres artistes, Stéphane va se forger un vrai style mêlant le disco, le funk à des sonorités plus modernes comme la house ou la deep. Aujourd'hui, ses productions sont régulièrement classées dans les charts et playlistées par de nombreuses radios internationales. On découvre ça maintenant. Magilan. Magilan. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. On va continuer avec la BO de Stayin' Alive. Aujourd'hui à l'honneur, The Tramps avec leur titre Disco Inferno. Le morceau sort une première fois en 1976 et atteint vite la première place des hits, US bien sûr, mais pas avec le succès escompté. Ni une ni deux, les producteurs du film demandent alors au groupe s'il est possible d'intégrer la chanson à la bande originale, et c'est véritablement à ce moment-là que la chanson va exploser. Alors l'ironie du sort, c'est qu'elle sera moins bien cassée qu'en 1976, mais sera mondialement connue grâce au film et apportera un Grammy en 1979 aux Tramps. La chanson a été reprise par de nombreux chanteurs comme Cyndi Lauper par exemple. Allez, c'est parti! I'm not talking about burning down a building. It's coming from the soul. Disco! Cheers! Cette année, nous fêtons les 40 ans de la sortie de l'album mythique Thriller. Pour lui rendre hommage, et un peu comme cadeau de Noël en avance, je vais vous diffuser deux morceaux totalement inédits. Le premier, c'est Starlight. Pour la première fois, on peut entendre la version originale de la chanson culte Thriller, intitulée dans un premier temps Starlight. La mélodie et le groove sont là, ne manque plus que l'inspiration et l'effrayante ambiance de la version finale. Le second sera Sunset Driver. D'inspiration funk, Sunset Driver est une pure création de Michael Jackson. Le groove de sa voix dicte le rythme et la progression de son morceau foisonnant qui aurait dû se retrouver sur Thriller, puis sur Bad. Il figurera finalement dans la compilation The Ultimate Collection, sortie en 2004. On retrouve au mixage de cette démo, de 1982, Bill Bottrell, coproducteur, près de 10 ans plus tard de l'album Dangerous. Allez, faites-vous plaisir! We'll be right back. Écoutez Fadjet sur 94.2. Alors Irène Cara nous a quittés le 25 novembre dernier et je ne pouvais pas terminer cette émission sans lui rendre hommage. Quelle chanson mieux que Fame lui colle à la peau. Sorti en 1980, le film raconte le quotidien d'étudiants d'école artistique. Fame est le premier single extrait de la bande originale. La chanson remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale lors de la cérémonie des Academy of Motion Picture Arts and Science et un Golden Globe. Elle a été reprise en 2002 par le trio féminin Models. C'est aussi un succès. Et ça va atteindre la 7e meilleure vente des singles en France. L'original, par contre, atteindra la 2e place des hit parades en France. Je voudrais dédicacer cette émission à mes deux stagiaires, Lorenzo et Chloé. Et je vais vous dire bonne écoute d'Irène Cara. Dr Disco et Mr Funk sur Fadjet. Il est l'heure de nous quitter. Durant deux semaines, la programmation sera dédiée aux fêtes, tout en restant disco et funk, bien sûr. De retour début d'année prochaine, pour des numéros plus classiques, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt, bye bye. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet.